Chapitre 76. Supporter le mal d'autrui. Allah Ta'ala dit: qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 3, verset 134. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Sourate 42, verset 43. Entre dans ce chapitre les traditions prophétiques du chapitre précédent. 648. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme a dit: ô messager d'Allah, j'ai des proches parents avec lesquels j'essaye de maintenir les liens du sang, mais ils les rompent. Je les traite avec bonté, mais ils me traitent mal. Je suis indulgent avec eux, mais ils sont durs avec moi. Il répondit, alayhi salatu wassalam, si ce que tu dis est vrai, c'est comme si tu leur faisais manger des braises. Allah te soutiendra contre eux tant que tu agiras ainsi. Muslim.